pueblos y gobiernos del mundo. No, para todos. Buenas noches. Para todos. Una noche en Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino, Radio Campus 106.6 FM. El miedo, la persecución, la confrontación, el hartazgo de una sociedad sometida fue como iniciamos nuestra revolución generacional el 28 de junio de 1969, en aquel bar, Stonewall Inn, en Nueva York. Controlado por la mafia, donde homosexuales, transexuales, jóvenes sin techo y marginados, éramos perseguidos y arrestados por la policía, sin razones, sin treguas, sin fundamento. La semaine dernière, pour clore notre cycle sur les leaders sociaux, leur lutte, leur espoir et leur fin tragique, nous vous parlions de Marielle Franco. Marielle a été assassinée en mars 2018. Elle était élue au poste de conseillère municipale de Rio, vivait dans une favela, elle était noire et elle était lesbienne. L'un de ces combats portait donc naturellement sur la défense de la communauté LGBT au Brésil, élargissant donc la focale et partant à travers l'Amérique du Sud, traversant ces différents pays pour faire un état des lieux de la situation. Une situation tantôt inquiétante, préoccupante et tantôt encourageante. Une étude faite par la Commission interaméricaine des droits de l'homme montre que la violence contre les personnes LGBT est de plus en plus extrême. Certaines sont torturées et violées avant d'être assassinées. Et les crimes contre cette population ne sont jamais dénoncés, par peur des représailles et du scepticisme du système judiciaire. De nos jours, 14 pays de l'Amérique latine ont approuvé certaines lois qui prohibent la discrimination dans les lieux de travail. Les mariages des couples du même sexe et l'adoption sont devenus légaux en Argentine, au Brésil, en Uruguay, en Colombie et dans quelques États mexicains. Le président Enrique Peña a signé un accord proposé en 2016 pour légaliser les droits d'adoption, cependant la commission parlementaire a voté son annulation. Le Chili et l'Équateur permettent les unions civiles entre personnes du même sexe. La Bolivie, de son côté, permet aux personnes transgenres et transsexuelles d'échanger leur carte d'identité. Toutefois, néanmoins, il reste encore du travail à faire pour accepter les mariages de couples du même sexe, ce qui est également le cas du Paraguay. Le Venezuela se trouve en dernière place de l'Amérique latine, dû à l'absence des droits pour les couples du même sexe ou des groupes LGBT. Malgré le fait que l'Argentine reste un pays catholique, elle a su développer un système politique sans la participation de l'Église. En 2010, elle est devenue le premier pays de l'Amérique latine à légaliser le mariage des couples du même sexe et le 10e dans le monde entier. Depuis cette année, 15 000 couples se sont mariés. En ce qui concerne l'Amérique centrale, le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador et l'Honduras ont le score le plus bas sur l'indice de développement et l'acceptation du mariage de couples du même sexe. À Cuba, la cause du mariage homosexuel a finalement été reprise par la fille de Fidel Castro, Mariela Castro, et devrait être incluse dans un processus de réforme constitutionnelle plus vaste prévu pour cet été. En 2015, une étude faite par la Commission interaméricaine des droits humains a montré près de 600 assassinats dans toute l'Amérique latine, de janvier 2013 à mars 2014. L'année dernière, il y a eu au moins 38 meurtres contre des Salvadoriens LGBT. 1700 personnes transgenres ont été tuées depuis 2008 en Amérique centrale et Amérique du Sud. Si vous voulez un couple stable, bien sûr que vous le pouvez. Si vous voulez une famille, bien sûr que vous le pouvez. Ne vous laissez pas piéger par ce qu'ils vous disent. Croyez en vous, vous le pouvez. Mais que reste-t-il encore à faire? Eh bien, beaucoup de choses restent à faire, comme une réforme dans l'état de Guanajuato, afin que les mariages soient directement inscrits au registre civil. Quatre personnes LGBT sont assassinées chaque jour en Amérique latine et dans les Caraïbes. Selon un rapport de 2019 du réseau régional d'information sur la violence contre les personnes LGBT, au moins 1300 personnes LGBT ont été assassinées dans 9 pays de la région au cours des 5 dernières années avec la Colombie, le Mexique et l'Honduras. En Équateur, en 2019, 16 personnes LGBT ont été assassinées ou ont subi des morts violentes, selon un rapport publié par l'association équatorienne Silueta X des défenses des droits LGBT. Au Pérou, 249 personnes LGBT auraient été assassinées entre 2006 et 2010. Le Salvador, où il n'y a aucune entité responsable de la mise en œuvre des politiques pour la population LGBT, suite au récent changement de gouvernement. La plupart des personnes tuées sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans. Entre janvier 2014 et juin 2019, 542 personnes de la communauté LGBT ont été tuées en Colombie. La liste est complétée par le Salvador 54, la République dominicaine 28, le Guatemala 26, le Paraguay 12 et la Bolivie 8. Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino. Para Radio Campus 106.6. Un triste exemple, c'est le cas de Luis Alberto Rojas, un homme péruvien de 26 ans qui a été arrêté par des policiers alors qu'il rentrait chez lui peu après minuit. Pendant les 6 heures de sa garde à vue, dit-il, il a été déshabillé, violé avec une canne et agressé verbalement par des policiers avant d'être libéré. Un deuxième cas, Sébastien Urrutia, un homosexuel qui a été attaqué en 2012 par un groupe d'hommes alors qu'il quittait une fête dans un quartier gay de Santiago. Sébastien dit qu'il avait des témoins là-bas alors qu'il était sauvagement battu dans la rue. Il dit que personne n'a été poursuivi pour les événements de cette nuit. Nous voulons leur rendre hommage à eux et à toutes ces personnes qui malheureusement ne sont plus de ce monde à cause du manque de compréhension et d'intolérance. Malgré ces tristes aperçus, il reste encore des groupes engagés dans la défense des droits des personnes LGBT. Les activistes affirment qu'ils continuent également à lutter contre une culture de machisme et de sexisme. Les garçons et les hommes sont poussés à être virils et ont une fierté masculine exagérée. Les femmes sont poussées à se soumettre à leur mari et à agir de manière très féminine. Dios me ama tal como soy. Ces groupes d'activistes aimeraient voir davantage de reconnaissance des couples du même sexe ainsi que la légalisation du mariage. Ils aimeraient également voir moins d'impunité pour les crimes contre les personnes LGBT et un accès plus large aux soins de santé. Voici quelques activistes qui ont réussi à avoir un rôle très important dans notre société. Tamara Adrián, première députée vénézuélienne transgenre qui promeut et encourage la création de politiques publiques pour éradiquer les espaces qui violent les droits de la communauté LGBT dans son pays. Diriger des processus en Amérique latine, tels que la promotion de la législation sur l'identité de genre dans la région. Carlos Jauregui, fondateur argentin qui travaille avec l'organisation Gay pour les droits civils, il a réussi à diriger la première marche de la fierté gay-lesbienne en Argentine. Diane Rodriguez, cette députée équatorienne devenue précurseur dans son pays de la légalisation et de la reconnaissance des unions entre couples du même sexe, elle a également réussi à mener en Équateur plusieurs procédures judiciaires liées au changement de nom et à la reconnaissance des personnes transgenres. Et finalement, on a Manuel Canelas. Il est un journaliste bolivien homosexuel qui lutte pour les droits de la communauté LGBT dans son pays. Il a été élu député en 2014, devenant ainsi le premier député homosexuel du pays. Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, por Radio Campus 106.6. Une petite pensée à toute la communauté LGBT. On voudrait vous dire qu'on pense à vous, à votre lutte pour combattre les fausses idées que la société a sur vous. Continuez à vous battre pour vos idées et pour vos droits. Negra canela escuchar con su frescura.